Il est 13h, nous sommes mardi, c'est l'heure de retrouver la chronique conso avec Joël Constanza, responsable communication à l'UFC Que Choisir 37 et qui nous fait le plaisir chaque semaine d'être là avec la besace remplie de conseils pour vous. Et aujourd'hui, on va parler des œufs, n'est-ce pas Joël? Bonjour. Oui, tout à fait, mais c'est aussi un plaisir pour moi de venir. Ah, super. On va parler des œufs et ça tombe bien parce que je constate, Joël, que de plus en plus de rayons sont vides pour les œufs. Et pourquoi ? Eh bien, parce que tout simplement, l'œuf, c'est une protéine bon marché et que les Français en consomment en moyenne 224 par an. Alors, en 2025, la consommation d'œufs a même augmenté de 5%. D'accord, mais est-ce que la France produit ses œufs ? Alors, il faut savoir quand même que la France, c'est le premier pays producteur en Europe avec 15,4 milliards d'œufs pondus. Alors, essentiellement produits dans le Grand Ouest, en Bretagne et puis dans les Pays de la Loire. Mmh. Alors, d'ailleurs, en tant que pays producteur d'œufs, la France était pratiquement autosuffisante avec les deux tiers de sa production utilisée principalement dans la restauration et l'industrie agroalimentaire. Mmh. Alors, comme les pâtisseries, les mayonnaises, les plats ultra transformés, les pâtes aux œufs, bien évidemment. Mmh. Et puis, malheureusement, il y a eu différents épisodes de grippe aviaire combiné à l'augmentation de la consommation des Français, ce qui entraîne des rayons clairsemés, voire vides, dans certains magasins. Et quand il reste des œufs, eh bien souvent, ce sont des produits numérotés 3, c'est-à-dire de la pire qualité. Des numéros 3, alors est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ? Alors, pour la traçabilité du produit sorti de son emballage, les professionnels apposent un code complet sur chaque coquille. Oui. Alors, oui, je vais quand même peut-être étonner nos auditeurs, mais les poules ne pondent pas des œufs déjà tatoués. Non, comment ça ? Le mythe s'écroule. Oui, complètement. Alors, ce code, ce code signifie quelque chose. Alors, le premier chiffre, qui va de 0 à 3, eh bien, justement, il indique le mode d'élevage identifié justement par ce code. Mm-hmm. Le 0, il indique un œuf bio avec un accès au plein air pendant au moins un tiers de leur vie, avec aussi une nourriture quand même un peu plus élaborée. Oui. Le 1 signifie que la poule a accès à un espace de plein air. Alors 0 et 1, ça fait environ la moitié de la production d'œufs. Le numéro 2, un quart de la production environ, eh bien, cela veut dire que la poule a été élevée à l'intérieur, au sol, mais dans des bâtiments fermés, et avec une densité de 9 poules par mètre carré. Voilà. Bon. Mais elles sont au sol, c'est déjà pas trop mal. Et le 3, c'est le dernier quart environ, eh bien, c'est que les poules ont été élevées en cage, mais là, sans aucune sortie extérieure. Et là, nous passons à une densité de 16 poules par mètre carré. On est sur de l'élevage intensif. Oui, c'est ce qu'on appelle de l'élevage en batterie, il n'y a pas de problème. Alors, on continue ce code. Ensuite, vous avez des lettres. Alors, les deux lettres suivantes indiquent le pays d'origine. Mmh. Alors, pour la France, FR, ça c'est assez connu. Et bien sûr, ces deux lettres, elles vont varier selon le pays d'origine. Alors, UA, ce sera un œuf ukrainien. IE, un œuf irlandais. DE, allemand. PT, portugais. BE, belge, etc., etc. Et ensuite, on a encore des chiffres. Et bien là, c'est un code qui identifie l'élevage d'origine. Alors, en 2025, si je ne me trompe, le Comité national pour la promotion de l'œuf, le CNPO, a dénoncé à plusieurs reprises la présence d'œufs ukrainiens dans les rayons de certains magasins de la grande distribution. Oui, alors, en fait, il faut savoir que l'Ukraine est depuis longtemps un pays producteur d'œufs, production d'ailleurs qu'elle exporte en partie vers l'Europe et qui est principalement utilisée par l'industrie agroalimentaire. Alors, après le début de la guerre en Ukraine et l'invasion par l'armée russe, l'Union européenne avait décidé en mai 2022 de suspendre les droits de douane et donc de ne plus taxer les importations en provenance d'Ukraine, tout ça pour soutenir son économie. Mmh. Alors, cette suspension des droits de douane s'appliquait sur de nombreux produits agricoles ukrainiens, dont nos œufs. Alors, bien sûr, les agriculteurs des autres pays européens, dont les Français, voyaient d'un très mauvais œil cette concurrence à leur production nationale. Et en 2024, ces mesures ont été plus ou moins revues. Donc, on comprend bien qu'il y a une concurrence avec des œufs français, mais puisque justement, on en manque en quoi ça pose problème ? Alors tout d'abord, il y a le prix extrêmement bas de ces œufs ukrainiens dans les rayons de certains magasins. Et puis, donc concurrence hein, avec nos œufs français. Oui. Et puis aussi ces œufs qui ne respecteraient pas les normes européennes et qui pourraient contenir des antibiotiques qui sont interdits dans l'Union européenne. Ah oui. Voilà. Alors le problème, c'est qu'en 2025, il y a 5 contrôles qui ont été effectués et des résidus d'antibiotiques auraient été trouvés dans ces œufs. Alors je dis bien auraient été trouvés, voilà. Et dernier problème, eh bien, ces œufs ukrainiens ont pour la plupart un code mode élevage 3, c'est-à-dire que les poules pondeuses, je le rappelle, sont élevées en cage 24 heures sur 24 dans un désélevage en batterie. Hein. Donc, c'est pas génial quand même pour le bien-être animal. Justement, pour le bien-être animal de ces poules pondeuses, on peut faire mieux quand même. Ben oui, parce qu'en 2021, hein, il y avait quand même plus de 80% des Français hein, qui étaient favorables à la fin de l'élevage des poules pondeuses en cage. Hein. Et puis en plus, les grandes enseignes, hein, vous savez, avaient promis juré, de ne plus vendre d'œufs de poules élevées en cage au 1er janvier 2026, que ce soit au détail ou dans les ingrédients des produits transformés de marques distributeurs. Mmh. Or, on est loin du compte. Hein. Moi-même, j'ai été faire des courses récemment. Eh bien, j'ai encore trouvé des œufs catégorisés 3. Donc, on en trouve encore dans les rayons des magasins. Alors, même si les acteurs de la grande distribution à un prix d'un remords soudain se mettent soudain à tenir leurs promesses... Les élections, c'est bientôt. et suppriment les œufs de poule élevés en cage de leurs rayons et de la liste des ingrédients de leurs produits de marque distributeur, il faut quand même se rappeler que dans les produits ultra transformés hein, des autres marques, l'usage de ces œufs bas de gamme est encore malheureusement très largement la règle. Hein, parce que ce sont bien sûr les œufs les moins chers. Alors moi j'ai trouvé la solution Joël, c'est que j'ai mon propre poulailler. Ah oui, alors avoir son propre poulailler, ça c'est une question que beaucoup de gens se posent, hein, y compris en ville. Alors attention, il faut bien faire ses calculs, parce que d'abord il y a une mise de fonds au départ. Il y a le poulailler, l'enclos, puis les poules elles-mêmes qu'il faut quand même acheter. Hein. Après il y a la nourriture, parce que même si une poule c'est omnivore et que vous pouvez l'alimenter pour partie. Ah ben c'est un composteur vivant. Ah oui, c'est un composteur vivant, mais il faut donner aussi un petit peu autre chose. Hein. C'est sûr. Alors, en regard, chaque poule vous assure quasiment un œuf par jour, un peu moins au plus fort de l'été et en hiver. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a des contraintes, hein, parce qu'il faut s'en occuper, il faut la nourrir tous les jours, c'est un animal. Donc, pour les vacances, problème. Faut aussi entretenir, nettoyer l'enclos, etc. Donc tout ça, c'est des contraintes qu'il ne faudrait pas oublier. Un poulailler, c'est pas simplement une jolie petite poule qui vous fait côte-côte. Dernière remarque, à cause de la pollution atmosphérique, hein, si certains de nos auditeurs ont envie d'avoir une poule en ville, d'abord il faut qu'ils se renseignent, est-ce qu'ils ont le droit, hein, parce qu'il y a des villes... Oui, parce qu'il avait été question à un moment donné de déclarer son poulailler. Oui, voilà, donc il faut vraiment qu'ils se renseignent tout d'abord, avant de se lancer, et puis il y a des grandes agglomérations, alors... Nous, en Indre-et-Loire, on n'est pas vraiment touchés. Hein. Mais dans des grandes agglomérations, ils déconseillent depuis peu de temps aux gens de consommer les œufs de leurs poules. Et tout ça à cause de la pollution atmosphérique. Oui, est-ce que ce n'est pas aussi pour qu'on aille consommer ailleurs ? Non, je pense qu'il y a vraiment il y a des choses... Oui, après, sur la pollution, j'entends. Voilà, il faut faire quand même attention. On est quand même dans des zones très, très polluées dans les grandes villes. Alors nous, on n'a pas de grandes villes, grandes métropoles en Indre-et-Loire. Voilà. Donc attention, prudence, bien réfléchir quand même à toutes ces contraintes, parce que des poules, ce sont des animaux vivants et qu'on ne peut pas acheter, rendre, voilà. Bien sûr. Et je vous rejoins tout à fait là-dessus. Et quoi qu'il en soit, on se fera une bonne omelette ce soir en pensant à tous ces bons conseils hein, que vous nous avez donnés. Pour goûter vos œufs. Eh parfait. On se retrouve la semaine prochaine, Joël, pour une nouvelle chronique conso. Merci encore d'être là chaque semaine avec nous.